Pimpère. C'est Oli. O-L-I. Oui. La Bibli des petits. Je suis pas petit, je suis grand. Bonjour, je suis Monica Sabolo et je vais vous raconter une histoire d'aventure, d'amitié et de chouette blanche. J'ai 7 ans et je m'appelle Thomas, mais tout le monde m'appelle Tomate, parce que je deviens souvent tout rouge. Je rougis quand je cours, quand je monte les escaliers, ou quand je parle à Isis, la plus gentille fille de la classe. Mon meilleur ami, il a 7 ans aussi, et tout le monde l'appelle Mou, car il n'aime pas trop bouger, même s'il est toujours en jogging. Il a quelques kilos en trop, comme dit ma mère. Autant le dire tout de suite, avec Mou, on n'est pas vraiment les stars de la classe. Contrairement à Théo. Lui, il joue au foot, il a plein de copains et une mèche qui tombe sur le front. Nous, avec Mou, on déteste le foot. Ce qu'on aime, c'est inventer des histoires. Isis, la plus gentille fille de la classe, par exemple, elle adore les chouettes. Son rêve, ce serait d'en voir une en vrai. Elle dit qu'elle est une aventurière, elle voudrait faire des safaris. Alors, avec Mou, on lui raconte des trucs pour la faire rire ou rêver, comme la légende de la chouette blanche. On raconte que la chouette blanche vit dans le square et qu'on entend quelquefois son cri, le soir, en ouvrant la fenêtre. Mais elle n'apparaît que dans des circonstances exceptionnelles. Des circonstances exceptionnelles ? A demandé Isis. La chouette blanche n'apparaît que les nuits de pleine lune, j'ai dit. Et quand on est avec de vrais amis. Isis a fait une drôle de tête. Une chouette à Paris ? Bien sûr, a dit Mou. Il y a des animaux sauvages à Paris. Il y a des renards au cimetière du Père Lachaise, des faucons autour de la cathédrale Notre-Dame et aussi des castors près de la Seine. Théo, qui était assis juste à côté, et qui, j'en suis sûre, est aussi amoureux d'Isis, a ricané. Ouais, bien sûr. Des renards, des faucons, des castors et des anacondas au jardin du Luxembourg. Ah non, ça c'est pas possible, a dit Mou. Ce sont des serpents qui vivent près de l'eau, en Amérique du Sud tropicale. Théo a levé les yeux au ciel. Personne n'y croit à votre histoire de chouette blanche. Personne ? Pas tout à fait personne. Un matin, dans le préau, Isis a foncé droit sur Mou et moi. « Ce soir, c'est la nuit de la pleine lune !» On l'a regardé sans bien comprendre. « On va aller chercher la chouette blanche. On va faire un safari dans le square. » « Ah, mais c'est une très bonne idée, ça !» a dit Théo. « Allons chercher la chouette blanche !» Il a toujours les oreilles qui traînent, lui. On voyait bien qu'il se moquait de nous. Avec Mou, on était bien embêtés. Mais que pouvait-on faire ? Et puis un safari avec Isis, la nuit, une aventure sauvage, ça ne se refusait pas. Alors on a dit « D'accord, Isis ». Et j'ai eu très chaud. Et j'ai compris que j'étais tout rouge. Mou a souri en mâchouillant son pain au chocolat. Il avait plein de miettes sur le haut de son jogging. Le soir, on s'est retrouvés tous les quatre, devant le square. Isis avait des jumelles autour du cou, comme une vraie aventurière. Mou était en jogging, avec un sac à dos et une lampe de poche. Il avait de grands traits de maquillage sur le visage. « C'est quoi cette tête, Mou ?»« Bah, c'est du camouflage, pour qu'on me confonde avec les feuilles. »« Ah oui, bien sûr !» a ricané Théo. On a poussé le portail. Il faisait très sombre et très froid. Suspendue dans le ciel, la lune était pâle et immense. Mou a dit « J'ai pris des provisions au cas où » et il nous a montré son sac à dos qui était plein de gâteaux. Isis avançait devant en regardant partout avec ses jumelles. Mou avait allumé sa lampe et la braquait dans toutes les directions comme un rayon laser. Théo faisait une tête bizarre. « Ça va pas, Théo ? » j'ai demandé. « Si, si », a-t-il répondu, mais j'ai eu l'impression qu'il claquait des dents. Dans l'obscurité, les arbres ressemblaient à des géants et leurs branches remuaient comme des griffes au-dessus de nos têtes. Le terrain de basket avait l'air immense, désert dans l'ombre. On entendait le vent souffler. Nous avancions, tous les quatre, de plus en plus serrés les uns contre les autres. Je me suis retournée pour faire un clin d'œil à Mou et me rassurer, et j'ai vu qu'il avait ouvert son sac à dos. « Mais t'as déjà mangé les provisions, Mou ?» Il a fait non de la tête, mais on voyait bien qu'il avait la bouche pleine. On est passé à côté du bassin, avec la fontaine. Théo a demandé « Vous êtes sûr qu'il ne peut pas y avoir d'anaconda par ici ?» Isis, qui parlait avec ses jumelles toujours collées sur les yeux, a dit « Taisez-vous, vous allez lui faire peur !» J'ai l'impression que c'est pas vraiment la chouette blanche qui a peur, j'ai dit en regardant Théo. Chut, a dit Isis. Tout à coup, on a entendu. Ouh, ouh, ouh, ouh. On s'est regardé, pétrifié. Isis a indiqué une direction vers le fond du square, alors on l'a suivi, mais on ne faisait pas les malins. Isis, très courageuse, avançait vers les grands arbres, tout au fond. Il y a eu un grand bruit dans les buissons, comme si vivait là un animal énorme, bien plus gros qu'une chouette. Le monstre est sorti des fourrés et Théo s'est mis à pleurer. Mou a braqué sa lampe sur le monstre et là, on a vu le gardien du square qui ramassait des bouteilles en soufflant dans le goulot. « Qu'est-ce que vous faites là à cette heure-ci, les enfants ?» Sans répondre, on est parti en courant. Arrivé devant le portail, tout le monde pleurait. « Je verrai jamais de chouette blanche !» a dit Isis. « Je suis qu'un trouillard !» a dit Théo. « On est de gros nuls !» a ajouté Mou. « Tout est de notre faute !» j'ai dit. « On n'aurait jamais dû inventer cette histoire de chouette blanche !»« Pardon Isis, pardon Théo !» Nous sommes restés un moment sans rien dire, en nous tenant par la main. Puis Isis s'est écriée. « C'est pas grave! On a fait un vrai safari, on a vécu une aventure, on est de vrais amis. C'est ça le plus important !» Vous n'allez pas le croire, mais à ce moment-là, on a entendu un froufroutement. Presque rien. Un souffle dans le silence. Un bruissement au-dessus de nous. On a levé les yeux et soudain, on l'a vue. Resplendissante, magnifique, battant des ailes comme au ralenti, dans un mouvement ample et gracieux, la chouette blanche. Elle est passée au-dessus de nos têtes, si près que ses ailes ont caressé nos cheveux. Puis elle s'est éloignée. Elle était si blanche dans la nuit, presque phosphorescente, et elle est montée si haut dans le ciel qu'à un moment, elle n'était plus qu'un point scintillant, une étoile parmi les étoiles. « Alors ça, c'était vraiment chouette !» s'est écriée Isis. Et on a tous éclaté de rire. Et voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, au lit !»